Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. Nisu hwesedzea zitu amosa ilazimani ufanye shtununtuhambia oyu. Nisu hwesedzea zitu amosa ilazimani ufanye shtununtuhambia oyu. Prenez. Arenga. Arenga. Donnez-moi les lunettes. Nimbez lunettes. Nimbez lunettes. Mettez le crayon sur l'enveloppe. Tia crayon au kalam mona enveloppe. Tia crayon au kalam mona enveloppe. Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. Zingisa ivera, au gaudza ivera, amosa renga yamakas. Zingisa ivera, au gaudza ivera, amosa renga yamakas.